Selon les presses sud-coréennes, l'Institut 18 mai de l'Université de Tsonnam a publié le 19 courant, le journal de l'état martial élaboré le 28 mai 1980. Le journal met au clair qu'à l'époque de la répression du soulèvement populaire de Gwangju en mai 1980, perpétré à l'appui des États-Unis, les hélicoptères américains ont tiré les mitrailleuses contre les citadins pour causer de nombreux morts et blessés.